lorsque la lune s'est allumée, que j'ai pu enfin voir la lumière. Lorsqu'enfin fut tombée la journée, c'est nul à dire, mais la nuit m'éclaire. Tu apparais seulement dans mes rêves, mais ça fait du bien de te revoir. Et te dire que de cette chute je me relève et que je continuerai sûrement sur cette voie. Pour toi, rien que pour toi. Ça n'est pour toi, rien que pour toi. Pour toi, rien que pour toi. Ça n'est pour toi, rien que pour toi. Dis-moi pourquoi tu n'es pas avec moi. J'aurais voulu que tu vois ça. Tout ce que j'ai vécu sans toi. Dis-moi, seras-tu fier de moi? Pourquoi n'es-tu pas avec moi? J'ai eu du mal au départ d'accepter ça. Mais je me suis dit que la vie continuera quand même. Pour toi, rien que pour toi. Ça n'est pour toi, rien que pour toi. Pour toi, rien que pour toi. Ça n'est pour toi. Ça n'est que pour toi, rien que pour toi.